Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres juniors 2A de Robertval. Impliqués dans tous les projets porteurs de la MRC, les 80 employés et 16 dirigeants vous invitent à vivre l'expérience membre Desjardins dans l'une ou l'autre de ces 8 places d'affaires. Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook et participez à nos nombreuses promotions. Bon succès aux Sabres juniors 2A de Robertval. On est des Sabres de Robertval avec notre ami Jason Lajeunesse. Jason, les Sabres qui ont perdu à deux reprises la semaine passée. Salut Jason! Salut. Jason, deux défaites au cours de la dernière fin de semaine du côté des Sabres de Robertval. D'abord, on va commencer ça se déroulait vendredi, défaite de 5-4 contre les Saguenay de Chicoutimi. Ouais, on a perdu 5-4 là, en prolongation là, contre les Sabres. On a quand même on perdait 2-0 après une période, puis on s'est bien repris en deuxième et en troisième pour créer l'égalité. Puis on s'est fait battre en prolongation, il restait une trentaine de secondes. OK. Est-ce qu'il n'y a pas de 3 contre 3 dans cette ligue-là, je pense, hein? Non, c'est 4 contre 4. Puis quand tu perds le franc-jeu, ben ça tombe 4 contre 3 pendant 5 minutes. Okay. C'est ça qui est arrivé. Là, nous autres, on a perdu le franc-jeu. Fait qu'on a joué à 3 pendant 5 minutes. On a été capable de contenir, là, mais il restait 30 secondes quand on scorait le but. OK. Et dans l'autre match, vous visitez les Aiglons d'Allemagne. Là, c'était une défaite de 7 à 5. Ouais, on a quand même très bien joué. On a eu un très bon début de match. On menait 1-0. Il restait une vingtaine de secondes à faire là, en première période. Puis on a fait deux ou trois erreurs. Okay. Puis deux, ils ont scoré deux buts là, en une vingtaine de secondes. Donc, ça a fait mal. Au mieux de revenir après une période 1-0, on perdait 2-1. Fait que ça a cassé les reins. Mais en deuxième période, on est revenu fort. On a créé l'égalité directe en partant. Là. Il n'y avait même pas 30 secondes de jeu. C'était 2-2. Okay. Mais après ça, on s'est comme assis. Ça a venu 4-2. On s'est relevé, puis on a mis ça 5-4. On est 5-4 là, après deux périodes. Fait que ça allait bien. Mais en troisième période, là, on a manqué de jus. On a manqué de jus en troisième période. Puis on a été capable là, de prendre quelques buts d'avance. OK. Et en fin de semaine, ben, vous allez avoir l'occasion de vous rattraper contre les Saguenay de Chicoutimi. Oui. Ici même, donc c'est une rivalité intéressante. Oui. Moi, c'est pas encore une grande rivalité, là. C'est pas comme celle de comme Normandin ouais. qui est en train de se créer. C'est sûr que vendredi, on joue à contre Normandin, puis samedi, on joue contre les Sags. Là, OK. Évidemment, les éperviers, c'est l'équipe du comté Robertval. Donc, c'est normal qu'il y ait une rivalité entre les deux formations. Là. Les deux sont du même côté, c'est tout à fait normal. Du côté des blessés, ça va bien de ce côté-là aussi? Oui, pour l'instant, là, ça va quand même. OK. Ben, Jason, on se reparle mercredi prochain, mardi ou mercredi prochain. Voilà, donc c'est l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Jason Lajeunesse.